J'ai beau moins papillonner, le vice est ma chrysalide. Ah, je m'arrête pas de pilonner, je crie et rap ce qui m'arrive. Désolé, je ne suis qu'un homme, ni bon ni mauvais. Dans mon cœur, j'ai besoin de love, et comme tout le monde, j'ai besoin de lover. J'ai jamais été posé, souvent la tête explosée. J'aurais bien voulu bosser, tout gosse, le préau m'a causé. Ouais, il m'a causé du tort, peut-être percé trop près du port. Mangeur de pierre, fut bêtement tenté de caillasser du porc. Le peur ne m'a pas sauvé, j'en bien que je suis pas guéri. J'approche la quarantaine, y'a qu'au micro que je suis aguerri. Un guerrier du hip-hop, ça paye pas le loyer, mais je voyage. Cracherai sur l'antipop jusqu'à la noyade. Loyal, on m'a dit mal au cru sur l'instru que je triturais trop le son. Ouais, c'est cru, je leur fais mal au cul, c'est que l'écriture est profonde. Je taffe comme un noix, en y injectant la rigueur d'un cheleu. Cousin, le jeu, on m'a dit lâche-le, je me suis dit lynche-le. Peur attend l'auto, cria des toits. Grand corps qui n'attend que l'automne, autant de tort qu'il y a des toiles. Que la connerie a des douanes, la coco cria des toits. La mort a des droits, les que le croco cria des toits. Forcément ça plombe si tous les os se défont. Ainsi le réseau de ma cime assis sur les os se défont. C'est bien que j'avais bu la tasse, ce n'est pas guérir. Sum black et rime sœur, ce n'est pas guérir. Vend les semés de la graine de graine, homme et mot agile. Ne restera que la traînée de craie comme hémorragie. Le pélo sur le sol, la clé dans la serrure et c'est tout. Il avait serru et c'est tout. Il tombe en cellule et c'est tout. J'ai mis les formes sur de longs couplets d'écorchés. Tellement fait l'effort que le son découpe d'écorcher. Fils, elle m'a dit qu'analyse tout ce que tu pourras. Le tag à la valise, mise tout ce que tu courras. La montagne de rose, le t'as torturé ma chaise. M'en rappeler le tarot, c'est me retorturer la chair. Si tu tords, tu es la chèvre. Viens la fortune et la chaîne. Tu m'as appelé mon frère, au tard et tort, tu t'es lâché. Né le ventre ouvert, puis quand les gens me prouvèrent. Quand enfin j'avais pris le seul chemin que mes jambes trouvèrent. Puis cavale jusqu'au bout, touche le mur de façon frontale. De toute façon fonce, classe son front comme pas son fond. Laisse qui touche à mes connexions, mes étincelles. Parti rajoute un meurtre à ma collection, mes étincelles. Qui fit rentrer cet insecte, dit la voix visant ma silhouette fine. C'est la silhouette fille, grand facile, ouais devine. Trop triste quand les drames résonnent, ne me tends pas la piave, laisse-moi. On kick, on écrase les heures et tant qu'il y a de la rime, y'a de l'espoir. Yo ça pète, les refs, les heures, c'est de la bête. De rap n'est-ce pas, on va peut-être effleurer le sun, mais leur garde, méga reste noir. J'ai appris à nager seul, engagé en marché le soir. J'prends stylo parce que j'ai le seum, enragé, me harcher, char. Énervé, c'est pas une légende face à tout ce qui sépare les gens. La plume en pétage, t'échange sous le panneau clé par méchant. J'veux pas qu'on me prête allégeance, mon rap, j'le tège à la rue. Là faut pas mettre la charrue, la marmaille pète à les jantes. On bouillave les pages et chante, on maîtrise l'art, c'est danger. Dans le brouillard, j'ai pas géchant. Dans ma rise là, c'est danger, c'est danger, c'est danger. Tu veux gros? Oh non, j'en peux plus, je suis claqué. J'avoue. Yeah. J'ai trop entendu, tu valais rien. Sur le pénible chemin tortu du galérien. C'est la douceur qui s'amène, oui ça m'aide. Quand le trou guérit, ça m'aide. Si je dois le faire tout seul, nique sa mère. J'ai trop entendu, tu valais rien. Sur le pénible chemin tortu du galérien. Sa douceur qui s'amène, oui sa mère. Quand le trou guérit, ça m'aide. Si je dois le faire tout seul, nique sa mère. J'ai trop entendu, tu valais rien. Sur le pénible chemin tortu du galérien. C'est la douceur qui s'amène, oui sa merde. Quand le trou guérit, ça mène. Si je dois le faire tout seul, nique sa merde. J'ai trop entendu, tu valais rien. Sur le pénible chemin tortu du galérien. C'est la douceur qui s'amène, oui sa merde. Quand le trou guérit, ça mène. Si je dois le faire tout seul, nique sa merde.